Chapitre 10. L'anti-dérapant reparaît vivant. Les plus fins limiers de la police étaient sur pied. On faisait des enquêtes partout. On avait recherché le baron Jérôme d'Autrive. Il avait disparu sans laisser de traces le même soir que le comte et la comtesse de Riva. Les 6 femmes du noyer de la morgue étaient étroitement surveillées. Lautrec s'était remis en campagne. Il avait acquis la certitude que le comte de Riva et l'imitateur de l'antidérapant n'étaient qu'un seul être et il avait pu reconstituer quelques fragments de la vie en partie double du comte. Celui-ci mendiait certains jours sous la forme d'un cul de jatte. Le soir, il apparaissait dans les salons sous les dehors élégants d'un gentilhomme accompli. Lautrec cherchait nuit et jour. Il ne dormait plus. Une grande joie l'attendait. L'inspecteur de la sûreté Bellé vint le trouver en matin et lui dit « J'ai retrouvé la dame brune qui, à la morgue, déclara d'abord reconnaître son époux dans le noyer, puis se retira en disant s'être trompée. »« Précieux, précieux !» s'écria Lautrec. « Qui est cette dame ?»« C'est madame Pascale Aubran, femme d'un grand négociant parisien. Elle habite actuellement une petite villa à Suresnes. » J'ai fait adroitement parler les domestiques et les voisins. Madame Aubran déclare que son mari est parti en voyage. Mais il se passe, croit-on, des choses mystérieuses dans cette maison. Ah ! Madame n'a qu'une cuisinière et une femme de chambre. Cette dernière est assez loquace. Elle prétend que madame reçoit quelqu'un en cachette ou bien qu'un homme se cache dans la maison. C'est parfait. Nous partons pour Suresnes. Tout de suite, à l'instant. Il était 11h30 du soir. Caché dans l'ombre, Lautrec et Bellé rôdaient autour de la villa de Madame Aubran. Depuis près d'une heure déjà, toutes les lumières étaient éteintes dans l'habitation. « Le moment est venu, » dit Lautrec. « Madame Aubran est sans doute plongée dans son premier sommeil. Elle n'entendra rien. » Aucune porte ne résiste à un voleur ou à un détective habile. Lautrec avait introduit une fine pince dans la serrure. La porte d'entrée fut franchie. Là, les deux hommes, afin d'étouffer le bruit de leurs pas, enveloppèrent leurs pieds de chaussons épais. À pas de loup, ils visitèrent les caves et le rez-de-chaussée, projetant par instants les rayons d'une lampe électrique de poche dans les recoins des chambres, au fond des meubles qui eussent pu servir de cachette. Lautrec et son compagnon montèrent à l'étage. « Voici la chambre à coucher de Madame Aubran, » indiqua Bellé. « Entrons-y. » Le détective redoubla de prudence pour ouvrir la porte qui laissait filtrer un vague filet de lumière. Lautrec entra, retenant sa respiration. La chambre était faiblement éclairée par une veilleuse. Dans le lit, deux formes humaines, une femme, Madame Aubran, d'après le portrait qu'en avait fait Bellé, et un homme. La tête de celui-ci était tournée du côté opposé, si bien que le détective, pour dévisager l'inconnu, dut faire le tour du lit. Il s'approcha doucement de l'homme. Enfin, le visage lui apparut. Lautrec bondit de surprise, l'homme qui dormait là, c'était le mystérieux noyé de la morgue. « Non, c'est impossible. Je rêve, » se dit Lautrec. « C'est tout à fait inconcevable. Et pourtant, c'est bien lui. Je n'oublie pas un visage quand je l'ai vu, ne fût-ce qu'une fois. » Il fit signe à Bellé d'approcher et lui montra du doigt le dormeur. L'inspecteur, à son tour, bondit et sa surprise fut si soudaine qu'il s'écria « L'antidérapant, ici !» Un cri lui répondit. Le dormeur s'était éveillé et regardait, stupéfait, les deux hommes qui se dressaient devant lui et le fixaient de leurs regards investigateurs. « C'est lui, c'est bien lui !» répétait Bellé au comble de l'ahurissement. À son tour, Madame Aubran s'était réveillée et criait « Au voleur ! À l'assassin !» On entendit du bruit à l'étage supérieur. Les domestiques étaient réveillés. Lautrec se tenait tout droit, immobile, le revolver au poing. « Silence » ordonna-t-il. « Nous sommes des représentants de la loi. » La femme de chambre et la cuisinière hurlaient en haut, n'osant intervenir. Bellé les fit descendre de force. Lautrec s'adressa à l'homme. « Au nom de la loi, je vous somme de parler sans détour. Qui êtes-vous ? » D'une voix tremblante, l'homme répondit « Pascal Aubran. » « Ne mentez pas !»« Je ne mens pas !»« C'est ce que nous allons voir, monsieur le comte César de Riva !» s'écria Lautrec en insistant sur les derniers mots, espérant donner le coup de grâce qui désarçonnerait son adversaire. Mais contre toute attente, celui-ci ne broncha pas. « Une rude et habile canaille !» se dit le détective. « C'est bien ce que je pensais, mais je vais le démasquer !» « Enlevez donc cette fausse barbe, monsieur le comte de Riva, si vous ne voulez pas que je vous l'arrache » ajouta-t-il menaçant. L'homme ne répondit pas, il regardait le détective. Il avait les yeux égarés de quelqu'un qui se croit le jouet d'un cauchemar. Lautrec s'impatienta, il saisit la barbe de l'homme et la tira avec force en criant « Je vous l'enlèverai bien, moi !» La barbe résistait et le détective tirait si fortement qu'il menaçait d'en porter la tête. Le patient poussait des cris de douleur qui ne laissaient aucun doute sur la sincérité de ses sensations. Enfin, il fallut bien que Lautrec se rendît à l'évidence. Il lâcha sa victime en disant d'un air souverainement déçu « C'est extraordinaire! Cette barbe est une barbe naturelle !» Il y eut un moment où le tragique le disputa au comique. L'étonnement avait un instant désarçonné Lautrec lui-même. Le détective ressaisit les rênes de sa raison, qui se cabrait devant l'invraisemblable de sa découverte. Tout d'abord, il avait vu le cadavre vivant du noyé de la morgue. Première surprise. Il s'était dit alors « Tout s'explique ». Je me trouve en présence du focul de jatte du comte de Riva déguisé. Et voilà que cette hypothèse, la seule qui parut plausible, était fausse. « Ne mentez pas !» dit-il d'une voix menaçante. « Qui êtes-vous »« Je vous répète, monsieur, que je me nomme Pascal Aubran. »« Votre livret militaire, montrez-moi des pièces d'identité, des portraits !» Madame Aubran, plus morte que vive, demanda l'autorisation de se vêtir. Elle alla chercher le livret et les portraits demandés. Lautrec ouvrit le premier, il portait bien le nom de Pascal Aubran. Il examina les photographies, toutes ressemblaient à son hôte. Lautrec était exaspéré. Oui, ce mystère le surexcitait. Il fallait que, sous une étreinte suprême, la vérité jaillît enfin. Pendant une demi-heure, il cuisina ses hôtes, comme on dit en style policier. Il dit enfin à Aubran qu'il était soupçonné d'avoir commis plusieurs crimes sous le déguisement d'un cul de jatte, que l'échafaud menaçait sa tête s'il ne se décidait à éclairer la justice. Soudain, Madame Aubran se dressa. « Eh bien, monsieur, je vais tout vous dire !» Il sembla à Lautrec que le ciel s'ouvrait devant lui. L'émotion l'étouffait, mais il ne laissa rien paraître, et ce fut d'une voix calme qu'il dit « Je vous écoute, madame !»